À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, diverses cérémonies comme rassemblements de souvenirs et séminaires sur les exploits ont eu lieu au Danemark, en Russie, au Pakistan et en Suède. Dans les salles de cérémonie étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et le tableau de peinture des grands leaders qui se trouvent ensemble. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Aux cérémonies tenues au Danemark et en Suède, on a adopté les lettres et messages à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.